En moyenne, en une heure, l'organisme élimine l'alcool à raison de 0,05 g par litre de sang, réponse A, 0,15 g par litre de sang, réponse B, 0,25 g par litre de sang, réponse C, 0,35 g par litre de sang, réponse D.